Y'a pas mal de choses que j'aime, mais beaucoup que je n'aime pas. Si t'aimes pas tout ce que j'aime pas, alors ça veut dire que je t'aime. J'aime pas la religion, j'aime pas les tabous, j'aime pas la censure, j'aime pas la politique, j'aime pas les fascistes, j'aime pas les clichés, j'aime pas la connerie, j'aime pas la banalité. J'aime la passion, j'aime la provocation, j'aime la rébellion, j'aime la musique, j'aime l'alcool, j'aime les gros tétons, j'aime la fiesta, j'aime le dadaïsme. J'aime pas la religion, j'aime pas les tabous, j'aime pas la censure, j'aime pas la politique, j'aime pas les fascistes, j'aime pas les clichés, j'aime pas la connerie, j'aime pas la banalité. J'aime pas le froid, j'aime pas le travail, j'aime pas les gens, j'aime pas les fêtes, j'aime pas la soumission, j'aime pas les valeurs, j'aime pas les bâtiments, tout ce que j'aime, c'est pas. Et j'en suis le monde.